mais un souffle de feu sur la plaine s'élève. Les arbres dans leurs flancs ont des frissons de sève, car sur leur front troublé le soleil va passer. Partout la chaleur monte ainsi qu'une marée, et sur chaque prairie une foule dorée de jaunes papillons flotte et semble danser. Épanouie au loin, la campagne grésille. C'est un bruit continu qui remplit l'horizon, car affolé dans les profondeurs du gazon, le peuple assourdissant des criquets s'égosille. Une fièvre de vie enflammée a couru et rajeuni, tout blanc dans la chaude lumière, ainsi qu'au premier jour d'un passé disparu. Le vieux château reprend son sourire de pierre. Alors les deux vieillards s'animent peu à peu. Ils clignotent des yeux et dans ce bain de feu, les membres desséchés lentement se détendent. Leurs poumons refroidis aspirent du soleil et leur esprit, confus comme après un réveil, s'étonne vaguement des rumeurs qu'ils entendent. Ils se dressent, pesant des mains sur leurs bâtons. L'homme se tourne un peu vers son antique ami, la regarde un instant et dit « Il fait bien bon ». Elle, levant sa tête encore tout endormie et parcourant de l'œil les horizons connus, lui répond « Oui, voilà les beaux jours revenus ». Et leur voix est pareille au bêlement des chèvres. Des gaietés de printemps rient de leurs vieilles lèvres. Ils sont troublés, car les senteurs du bois nouveau les traversent parfois d'une brusque secousse, ainsi qu'un vin trop fort montant à leur cerveau. Ils balancent leur front d'une façon très douce et retrouvent dans l'air des souffles d'autrefois. Lui, tout à coup, avec des sanglots dans la voix, « C'était un jour pareil que vous êtes venu au premier rendez-vous dans la grande avenue. » Puis ils n'ont plus rien dit, mais leurs pensées amères remontaient au lointain souvenir du jeune âge, ainsi que deux vaisseaux ayant passé les mers s'en retournent toujours par le même sillage. Il reprit, « C'est bien loin, cela ne revient pas. Et notre banc de pierre, au fond du parc, là-bas. » La femme fit un saut comme d'un trait blessé. « Allons le voir, » dit-elle, et la gorge oppressée, tous deux se sont levés soudain d'un même effort. Coupe prodigieux tant il est grêle et pâle. Lui dans un vieil habit de chasse à boutons d'or, elle sous les dessins étranges d'un vieux châle.